السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم ضيوفنا ومن جاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله الذي يسر ومن علينا بهذا الاجتماع الطيب مع هذه الوجوه الطيبة وفي هذا المجلس المبارك. Donc on remercie Allah Azza wa Jal tout d'abord qui nous a permis et qui nous a facilité le fait de participer à ce genre d'assemblée. Des assemblées qui sont, comme vous l'avez entendu dans les rappels précédents, des assemblées bénites. وفي الحقيقة يا إخوة قد سمعنا من الأخوين الفاضلين الداعيين إلى الله عز وجل خيرا كثيرا والله. Et en vérité, on a entendu de nos deux frères de mérite énormément de bien. Bima yakfi wa yashfi, comme il dit. On a entendu énormément de bien, d'une manière que si on s'en arrêtait là, ça nous aurait été amplement suffisant. فقد أبدعوا وأجادوا وقد سمعنا منهما ما ينشرح الصدر ويزداد الإيمان والثقة بالله عز وجل. Et on a entendu de nos deux frères Abu Mu'ad, Ayoub, ainsi que notre frère Sufyan al-Jazari, حفظهم الله, énormément de choses qui nous ont fait monter la foi et qui nous ont ouvert la poitrine et qui nous ont apaisés. فكم من آيات وكم من أحاديث وكم من شروحات سمعنا أمن هذا الخير يحضر أمن هذا الخير يحضر ومن هذه الفوائد وهذا الاستفادة وهذه الاستفادة. Est-ce qu'on peut mettre en garde contre ce genre de rappel dans lequel on entend la parole d'Allah Azza wa Jal avec son explication faite par les savants des salafs, où on entend la parole du prophète alayhi salatu wa salam, pareil avec son explication, où on entend la parole des ulama. فَهَذَا خَيْرٌ يُحْرَصْ عَلَيْهِ. Ça, c'est un très grand bien qu'Allah nous a facilité. Fa takmilatan lima sami'na sawfa natadhakar fi hadhihi al-lahadhat al-yasira bi mashiatillahi 'azza wa jal shay'an yasiran mimma yu'addu min dhikri As-sa'a. Et donc, Inch'Allah, pour parachever ce qu'on vient d'entendre de nos deux frères, qu'Allah les récompense, on va évoquer dans ce court instant certaines fawa'id autour de la venue de l'heure. فذكر الساعة سواء كان في القرآن أو على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام من أعظم الدوافع إلى الأعمال الصالحة والبعد عن معصية الله عز وجل. Et le rappel de l'heure, que ce soit le rappel qui est fait dans le Coran ou le rappel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même fait, fait partie des plus grandes choses qui poussent le serviteur à œuvrer et à faire des œuvres pieuses et à s'éloigner de la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. فقد جاء عند الإمام مسلم من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة. Donc il est venu dans un hadith de l'imam Muslim d'après la parole du compagnon Nawas ibn Sam'an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué un bon matin le Dajjal. Wa kalimat al-Dajjal ma'khoudhatun min al-Dajjal wa al-Khalt wa al-Talbis wa al-Tamwih. Et le mot Dajjal en arabe, il provient du mot Al-Talbis, Al-Khalt, Dajjal. C'est-à-dire le fait de camoufler, de cacher, de ruser. Fa summiya Dajjal, Dajjalan, liannahu yughatti ala an-nas kufrahu bi kadhibi wa tamwih wa talbisihi alayhim. Et donc le Dajjal, il a été appelé ainsi. Pourquoi? Parce que il cache aux gens sa mécréance. Il cache aux gens sa mécréance par son mensonge et son camouflage. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفعه حتى ظنناه في طائفة النخل. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il enseignait ou lorsqu'il a enseigné à ses compagnons ce hadith, tantôt il a levé la voix et tantôt il a baissé la voix, jusqu'à ce que les compagnons ils ont cru que le Dajjal il était déjà là, pas loin dans les palmeraies voisines. وهذه فائدة عظيمة يا إخوة على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أحسن وأبدع في طريقته لوصول العلم والنفع والخير إلى أصحابه. Et ça c'est une faïda importante qu'on prend de ce hadith sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a excellé dans sa manière d'enseigner aux compagnons. Là, dans ce hadith, il dit فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ. Tantôt, il a baissé sa voix et tantôt, il l'a levé. Et ça, c'est pour attirer l'attention de celui de l'interlocuteur. وَكَمَا قَدْ مَرَّ بِنَا أَوْ مَرَّ مَعَ طُلَّابِ فِي صَحِيح مُسْلِمِ حديث معاذ. Et comme on a vu dans Sahih Muslim, le hadith, une riwaya du hadith de Mu'adh ibn Jabal, où le prophète عليه الصلاة والسلام, il lui dit: Ya Mu'adh ibn Jabal, oh Mu'adh ibn Jabal. Et le compagnon de répondre et de dire: Labbaik ya Rasul Allah wa sa'daik. Thumma sara sa'a. Donc le compagnon il répond au prophète عليه الصلاة والسلام: Me voilà, ô Rasulullah, je suis présent. Et le prophète, il se tait. Il se tait, il ne dit plus rien. Alors que le compagnon, il est à côté de lui. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se tait. Ensuite, il se tait pendant un instant. Ensuite, le prophète, il répète: Ya Mu'adh ibn Jabal. Wa qala as-sahabi: لا بيك يا رسول الله وسعديك. Oh, me voilà, au prophète, je suis présent. Fasara sa'a. Et le prophète, sallam, pareil. Il s'est tué un instant. Jusqu'à ce qu'il a repris cela plusieurs fois. Et le compagnon, il lui répondait la même réponse. Labbaik ya Rasulallah wa sa'adek. Me voici, au prophète d'Allah, je suis présent. Thumma qala fi al-rabi'a wa al-khamisa, qala lahu, hal tadri ma haqqullahi ala al-ibad? Est-ce que tu connais quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Qala as-sahabi, yani Mu'ad. Mu'ad lui répond: Allah wa rasuluhu a'lam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم il lui dit: le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est que ses serviteurs l'adorent sans rien lui associer. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل فقال الصحابي لا بيك يا رسول الله وسعديك me voici يا رسول الله je suis présent. Et le prophète صلى الله عليه وسلم lui dit أتدري ما حق العباد على الله إن فعلوا ذلك أو إذا فعلوا ذلك قال الله ورسوله أعلم قال أن لا يعذبهم الحديث. Et donc ensuite, le prophète sallam lui dit: est-ce que tu sais quel est le droit des serviteurs sur Allah Azza wa Jal? Bien sûr, c'est un droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même imposé à lui-même. Ce n'est pas les serviteurs qui ont imposé ce droit à Allah Azza wa Jal. Taïb, قال, est-ce que tu connais le droit des serviteurs sur Allah? Le compagnon il répond: Allah et son messager est plus savant. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, et le prophète sallam lui dit: le droit de ses serviteurs, c'est qu'ils ne doivent pas être châtiés si ils n'ont rien associé à Allah Azza wa Jal. Fa unduru ila husni tariqati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ta'limihi. Regardez, observez la bonne manière qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'enseigner la science. Fa tara yu'allim wa huwa ala dabbatin. Tantôt, il enseigne ses compagnons alors qu'il est à monture, comme on a vu sur un âne ou autre. Tara yu'allimuhum wa huwa fi shari'. Tantôt il leur enseigne alors qu'il est en train de marcher dans la rue. Tara yu'allimuhum bi raf'i as-sawt wa shiddati al-ghadab comme ja fi khutab al-jum'ah. Tantôt il leur enseigne en leur montrant la colère ainsi que en élevant sa voix. Comme cela est venu dans les hadiths qui parlent ou qui évoquent sa manière de faire le sermon du Jumu'ah. Na'am. Wa tara ya'tik billin al-'azim. Et tantôt il vient avec une douceur étonnante. Comme la personne qui a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui permette de faire zina. Il lui a dit: rapproche-toi de moi. Plusieurs fois, jusqu'à ce qu'ils aient rapproché de lui, et lui a dit: est-ce que tu aimerais qu'on fasse cela avec ta mère, ou avec ta sœur, ou avec ta tante? Il a akhir al hadith, jusqu'à la fin du hadith. Na'am. Fayambaghi lil mu'allim, wa qad istafadtum min akhina Sufyan, wa kadhalika min akhina Abi Mu'ad, husn al tariqa fi wusul al ilm, bi darb al amthal wa ghayra. Il est important que celui qui enseigne la science, il ait une bonne manière de faire parvenir ces fawaïd aux gens, comme on a profité avec notre frère Sofiane lorsqu'il évoquait énormément d'exemples intéressants et à méditer, ainsi qu'avec notre frère Ayoub. Na'am. Fa idhan an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dhakara ad-dajjal fa khaffada fihi wa rafa'a hatta dhanannahu fi ta'ifati an-nakhl fa lamma ruhna ilayhi 'arafa dhalika fina wa hadha نتيجة حسن التعليم النبي عليه الصلاة والسلام. Et donc les compagnons, après que le prophète صلى الله عليه وسلم il leur ait parlé du Dajjal, ils sont rentrés chez eux, ils sont revenus chez le prophète صلى الله عليه وسلم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم il a vu en eux qu'ils aient un certain mal-être. Et ça, ce n'est autre que le résultat de la manière dont il leur a enseigné. C'est-à-dire qu'il y a eu l'impact voulu sur les compagnons. C'est-à-dire qu'ils sont restés à réfléchir. Ils sont restés à méditer sur la situation ou l'événement que se produira lors de la sortie du Dajjal. Donc lorsqu'ils sont revenus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu leur mal-être sur leur visage. فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا شَأْنُكُمْ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demande, qu'est-ce que vous avez? قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالِ غَدَاتًا فَخَفَّفْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ. Ils ont dit, oh prophète, ce matin tu as évoqué le Dajjal. Tu as élevé ta voix et tu l'as rabaissé jusqu'à ce qu'on a cru qu'il était pas loin de nous, dans une des palmeraies voisines. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُونِ عَلَيْكُمْ. Mais autre chose, pire que le Dajjal, me fait peur pour vous. أَتَدْرُونَ مَاهُ. Est-ce que vous savez c'est quoi la chose qui fait plus peur au prophète عليه الصلاة والسلام, yani pour sa communauté, que le Messie, الدجال, قد بين ذلك في بعض الأحاديث كما جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي ذر أنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لغير الدجال أخوفني عليكم قالها ثلاثا. Et donc dans le hadith d'Abu Dhar, il est précisé quelle est la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craint le plus pour sa communauté, craint plus cela que le Messie al-Dajjal. Donc Abu Dhar il dit, j'étais en train de marcher avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, autre que le Dajjal me fait plus peur pour vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répété cela trois fois. Et ça aussi, comme on a dit, ça fait partie de l'excellente manière d'enseigner. Le fait qu'il répète les paroles plusieurs fois. Naam. Donc il a répété ça trois fois. Faqala Abu Dhar, ayu shay'in yukhawwifuka ala ummatik ashadd min ad-dajjal ou kama qala. Et donc Abu Dhar, il dit au prophète, quelle est la chose qui te fait plus peur que le Dajjal pour ta communauté? فقال النبي صلى الله عليه وسلم أئمة مضلين. أئمة إيش مضلين. Et le prophète صلى الله عليه وسلم lui a répondu quoi? Des imams, des guides qui égarent les gens. Ça c'est plus شديد pour le prophète عليه الصلاة والسلام. Le prophète il a eu plus peur de cela pour ses compagnons que du Messie الدجال. نعم. وقد يقول القائل كيف ذلك أو يتعارض هذا مع خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال أعظم فتنة وجدت على وجه الأرض. Et quelqu'un peut se demander comment cela serait-il possible alors que il y a d'autres hadiths qui prouvent dans lesquels le prophète صلى الله عليه وسلم dit que le دجال c'est la plus grande des fitna ala wazila. Fa dhakara ba'd ahli al-'ilm anna al-jawab anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yuhaddith ashabah. Et certains gens de science nous ont expliqué que cela est à cause du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était en train d'enseigner ses compagnons. Taïb. Et ce que il craignait le plus pour ses compagnons, c'était une chose qui allait, yani c'était la chose qui était le plus proche d'eux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a su que certains de ses compagnons, ils allaient être éprouvés par des imams modellines. Tamam. Donc il leur a parlé d'une chose qui allait se passer dans un futur proche. Et c'est pourquoi il leur a dit, c'est la chose que j'ai le plus peur pour vous. Parce que c'était une chose qui était dans un futur proche. Tandis que le Dajjal, بالنسبة إلى الصحابة بعيد مفهوم الفائدة الدجال بالنسبة إلى الصحابة بعيد. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait plus peur pour ses compagnons des imams qui égarent que du Messie al-Dajjal. Mais le Messie al-Dajjal, il est bien plus a'azam en fitna que les imams al-Mudallim min hayth al-umum. Mafhoum hada wa la nu'id. Mafhoum? طيب. Donc al-a'imma al-Mudallim, c'est la chose que le prophète sallam il a plus craint pour sa communauté que le Messie al-Dajjal. طيب. والأحاديث الذي ذكرنا أو الحديث الذي ذكرنا سنده ضعيف. الحديث كنا évoqué de Abi Dar dans sa chaîne de transmission est faible. لكن بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن. بل قال الشيخ الألباني إلى درجة الصحة. فذكره في سلسلة الصحيحة. Donc ce hadith, même s'il est daïf, il a plusieurs autres chaînes de transmission qui le renforcent et qui fait de lui un hadith qui est acceptable ou même voire authentique, comme Cheikh Al-Albani l'a authentifié. Et Al-A'imma, Al-Mudallin et les imams qui égarent, manhum, قال العلماء أنهم الحكام الفسدة. Ce sont soit les gouverneurs pervertis ou pervers. والعلماء الفجرة ou les savants pervers ou égarés. والعباد الجهلة et les adorateurs ignorants. فهؤلاء الثلاث هم الأئمة أئمة المدلون أو أئمة المدلين. نعم. وهذا ليس بس أظن قد جاء الوقت يا إخوة، لكن صراحة أخذنا خيرا كثيرا جدا، ونشكر الله عز وجل على هذه الفرص، هذه فرص العمر. ترى كم من حسنات وكم من فوائد استفدنا. إذا حفظنا فائدة واحدة وعملنا بها فنحن رابحون، أليس كذلك؟ أمن هذا الخير يحذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. Donc, en vérité, on ne devrait pas mettre en garde contre ce genre d'assises et ce genre de rappel en vue de ce qu'ils contiennent comme bienfait. Et comme vous l'avez vu, c'est que des hadiths, que des ayats, que des aqwal salaf al-umma. Fa inshallah, يعني سنكتفي بهذا القدر لأن جاء وقت الصلاة. وتعذرونا على عدم إلقاء الكلمة، لكن قد أخذنا من أخوينا ما يكفي ويشفي، فالحمد لله رب العالمين.